إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أن من حق المسلم على المسلم النصيحة، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الصحيحين من حديث زيد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وخرج البخاري في الصحيح من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. donc ça fait partie de la religion, le bon conseil. Et Allah Jalla wa Ala, il a fait l'éloge en quelque sorte sur cette communauté en disant: ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils croient en Allah. Et Jarir, radiallahu anhu, il a dit: j'ai pris l'allégeance en quelque sorte au Nabi sallallahu alayhi wa sallam à faire la prière, à quitter la zakat et de conseiller chaque musulman. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith apporté par Muslim aussi, qui dit que la religion, c'est le bon conseil. Donc, il faut bien se conseiller mutuellement et ne pas être avare envers ses frères. Et la chose que tu peux offrir le plus à ton frère, c'est le conseil. Wa da'wa la budda an takuna mutarakkiza على ما يهم الناس أولا بأول. فلو كنت تتحدث مع إنسان لا يؤمن بالله البتة، فيجب أن تبدأ بالإيمان بالله. وإذا كان إنسان عنده انحراف في التوحيد وميل إلى البدع والشرك، لابد أن تحدثه عن التوحيد وخطر الشرك. donc la da'wa, il faut qu'elle commence par la chose la plus importante. Et quand on parle avec quelqu'un, il faut autant viser ce que cette personne-là a besoin. Ça ne sert à rien de parler sur des choses acquises. Yani, un frère, je sais qu'il est, mashallah, il ne fait pas d'innovation. Par contre, je sais qu'il ne se réveille pas pour Salat al-Fajr. Donc, le temps de parler avec ce frère-là en visant ce message-là pour le transmettre et dire que il y a après Salat al-Fajr, ceci et cela. Allah Ta'ala, Dieu, le Salat al-Fajr, c'est tout. Lakin, parler sur des choses acquises, et lui, il va être content, car ça ne le vise pas personnellement. Voilà, on le voit. Certains frères, ils aiment bien dès qu'on parle de pas mal de sujets qui sont acquis, notamment quand on parle de certains égarés. Alors que nous tous, on connaît leurs erreurs, on connaît leurs fautes, et on connaît leur manhaj. Khlas. S'il y a quelqu'un d'entre nous qui a des ambiguïtés, le temps d'éclaircir. Si quelqu'un est aussi d'entre nous et il a un peu de mal à retenir ça, il faut lui ramener la preuve. Et à la mettre en garde, ça fait partie du jihad de cette religion. Walakin, il faut mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça la définition de la sagesse et le hikmah. Amma, parler sur des choses acquises et négliger les choses les plus importantes, adam in al-khalali fil manhaj. Et ça, c'est un égarement caché. Les gens ne le voient pas. Ils voient, ils disent, mashallah, il parle sur le djinn. Là, qu'il parle sur des choses acquises, il ne va pas avancer dans sa vie. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je préfère parler sur un sujet dont on a besoin tous, qui est la réalité de la vie d'ici-bas Et qu'est-ce qui attend toute personne, pas croyant? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie-là? Et est-ce que cette vie-là, elle mérite ce qu'on fait pour elle? قال الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقال جل شأنه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال عز من قائل وللآخرة خير لك من الأولى donc الله تعالى il a dit la vie présente n'est que jeu et amusement et aussi il a dit ô humain, la promesse d'Allah n'est nullement mensongère. Ne vous laissez surtout pas séduire par la vie d'ici-bas et ne vous laissez surtout pas séduire au nom de la clémence d'Allah par le grand séducteur, le shaytan. Allah Ta'ala il a dit la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Et donc, c'est la haqiqat al-dunya. Allah Jalla wa Ala ma dhakar al-dunya lil-madh. Ma qala Allah Jalla wa Ala ad-dar al-dunya dar al-khulud la. إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. والله تعالى قال وللآخرة خير لك من الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بسند قال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى حسن لغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. شفتوا أول الأمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث ابن مسعود وعمران بن حصين قال خير الناس قرني. لم يكن الصحابة خير القرون هكذا صدفة، لا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أول هذه الأمة أو صلاحها بالزهد واليقين، زهد في الدنيا واليقين في ما عند الله جل وعلا من الثواب، وهلاك آخرها بالبخل الشح والأمل، أن الإنسان يظن نفسه باش يخلد في الدنيا. هو الإنسان يظن كل منا يعرف أن مصيرك لحد وإما إلى جنة أو إلى نار، كما قال الشافعي إن نفسي تصير إلى جنة فأهنيها أو تصير إلى نار فأعزيها، نسأل الله العافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي غبطت بها الطبراني الشيخ الألباني رحمه الله في فيابل كان يسمى دي يعني لبونور إلى ريوشيت، يعني لريوشيت du début de cette communauté, les compagnons et les premières générations, c'était par la lassitude, le délaissement de la vie d'ici-bas, et par la certitude. Et la défaite ou l'échec qu'il y aura à la fin de cette communauté, ce sera par l'avarice et l'espoir. Car tout le monde sait que tu vas vivre combien? 70 ans, 80, 100 ans, et c'est rare, même si on dit Amar Ummati, بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك. الإنسان يقول لا لا ما كوميونيتي يعني في entre 60 et 70 ans et peu ceux qui auront plus يعني ceux qui vivront plus que 70 ans et c'est vrai on le voit encore et on voit plus de jeunes qui meurent que des anciens parfois. Donc Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que le problème à la fin de cette génération c'est par l'avarice et par l'espoir. Yani, je veux faire, bi'idhnillah je veux faire, inshallah je veux faire, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se trouve face à la mort, alors qu'il n'a rien comme bagage. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, comme fi muslim, min hadith al-mustawrid ibn Shaddad, radiyallahu an, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, ma dunya fi l'akhira, illa mithlu ma yada'u, ou illa mithlu ma yaj'alu ahadakum, usbu'ahu fi l'yammi, فلينظر بما يرجع. إذن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع إنسان أصبعه في البحر في اليم بما يرجع قطرة بالنسبة لمحيط أو بالنسبة لبحر، هكذا الدنيا. لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منها مثالا واضحا ذا شان، أدخل بجهدك أصبعا في اليم ثم انظر ما تعلقه إذا بعياني، هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. شوف ابن القيم رحمه الله ساق الحديث في أبيات رحمه الله، فهذا هو الدنيا أن أصبع في اليم لما يرجع حد شيء، هذا هو الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغطى بعض المسلم إلى ذلك pour comparer la vie ici-bas par rapport à la vie de delà C'est comme si quelqu'un il trempe son index dans un océan. Il va revenir avec quoi? 2 gouttes, 3 gouttes, 5 gouttes par rapport à l'océan, c'est rien. C'est quoi? Beaucoup ou pas beaucoup? La réponse, elle est, c'est rien du tout. C'est pas peu, c'est rien. Une goutte par rapport à un océan, c'est rien du tout. Et exactement la vie d'ici-bas par rapport à la vie de là. La laquelle, ce genre de verset et ce genre de hadith, c'est pour ceux qui ont la bonne raison. C'est pas toute personne qui médite sur les versets et sur les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Tant de personnes, ils écoutent, voilà, qu'ils sont mon bouc, mon amien. Sourd-muet. Le message ne passe pas vraiment dans les cœurs, car le message ne passe que dans les cœurs vivants. Voilà, une bonne partie des gens, wal'ayadu billah, ils ont des cœurs qui sont morts depuis longtemps. وليه بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وخرج ذلك الحاكم والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. Donc النبي صلى الله عليه وسلم dit celui qui aime la vie ici-bas il va nuire à la vie d'au-delà. Et celui qui aime la vie de delà, il va nuire à la vie d'ici-bas. Et c'est à toi de faire le choix. Et l'un des salaf qui donne un très bon exemple. Il dit, l'amour de la dunya et l'amour de la akhira, c'est comme l'eau et l'air. Dès que tu mets l'eau dans une bouteille, il y a l'air qui part. Et dès que tu vides de l'eau, il y aura quoi? Il y aura l'air. Donc ça ne se rassemblera jamais. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, le fait de délaisser la vie d'ici-bas. Ça ne veut pas dire ne pas profiter de ce qui est illicite. Non, on parle de l'amour. إنك في من الناس والعياذ بالله تجد عنده حب للدنيا لأن الإنسان قال اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يعني différence entre celui dans la dunya elle est dans sa main comme moyen et celui dans la dunya elle est dans son cœur والعياذ بالله il vit pour ça il pense qu'à ça والله المستعان لهذا الشافعي رحمه الله تعالى عرف حقيقة الدنيا رحمه الله وقال وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. شافعي يدي الدنيا c'est quoi? C'est comme un cadavre. Il y a des chiens qui viennent manger. Si tu restes loin, tu n'auras pas de soucis. Tu es loin du cadavre et tu es loin des chiens. Si tu rentres pour manger ce cadavre, c'est les chiens qui vont t'attaquer en premier. Donc c'est en perdition totale. C'est ça qu'il veut dire, rahmahullah. C'est la dunya. Sans le poids. Parfois, il y a des riches qui sont plus malheureux que les pauvres. Et la dunya, subhanallah, à chaque fois qu'on prend plus, parfois t'en vis encore plus. Et ça finit jamais, cet amour. Wal'ayadu billah. J'ai un rajoul. Il a Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wa al-Qasr fi Sahih Muslim. Qala lahu alastu min fuqara'i al-muhajirin. Yani, huwa yathaddath al-Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ka'anni arif bi nafsa. قال ألست من فقراء المهاجرين فقراء قال له ألك امرأة تأوي إليها ومسكن تسكنه قال نعم قال إذن أنت من الأغنياء ثم قال فإن لي خادما قال إذن أنت من الملوك شخص ولا ما كان يهرب في مسلم إذ ينظر عبد الله بن عمرو بن العاص سبحان الله كنت بعض السلف تجي في بابوسي بالكوميديتي رحمهم الله بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن دونك il lui a dit est-ce que je fais pas يعني s'adresse à Abdullah ibn Amr al-As رضي الله عنه il lui a dit est-ce que je fais pas partie des pauvres des muhajirin ceux qui ont voyagé de la Mecque à la Médine il lui a dit est-ce que tu as une femme et une maison il a dit oui il a dit alors tu fais partie des riches après il a dit et j'ai encore un serviteur يعني qui travaille pour moi il a dit alors là tu fais partie des rois sauf Allah. C'est ça, يعني, le délaissement réel de la vie d'ici-bas. C'est de se contenter de ce qu'Allah t'a donné. Faire les causes, voilà que se contenter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Si tu veux Nabi Sallam a dit à Abu Huraira, si tu regardes, regarde ceux qui sont plus inférieurs que toi, ou ceux qui sont inférieurs par rapport à toi, et ne regarde pas ceux qui sont supérieurs. Car si tu regardes supérieur, tu dis pourquoi j'ai pas comme eux, alors que si tu regardes ceux qui sont plus pauvres, tu dis Alhamdulillah, je me contente de ce que j'ai. Sauf toi là, tu vas me donner à ma visée et dis pourquoi je suis peu comme ceci. Khalas, Malik Afadullah, il t'y met, Wallah, vous le faites de l'arbitre. Inch'Allah qui t'a fait les causes, Inch'Allah après qui donne la subsistance. لهذا صدق من قال هي القناعة لا ترضى بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن والله صح كل من ملك الدنيا خرج ماذا قطعة قماش وقطن بين إليتيه والعياذ بالله لكن السلف regarde ceux qui ont eu la dunya en entier ont la richesse quand ils ont quitté avec quoi un petit bout de tissu avec un petit bout de coton entre eux, vous savez l'endroit, c'est où? Pas quoi, rien. Généralement, le linceul, le coton, c'est pas cher. Subhanallah, ça tombe bien. C'est pas du tout cher. Bout de tissu blanc, خلاص, ça sert à rien. Là, le Nabi sallam, le Sahih Hanim hadith Anas, قال يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والأهل ويبقى العمل الصالح. Amin. Il y a trois choses qui suivent le mort, la famille, les biens et les bonnes actions. Deux qui reviennent, qui sont quoi? La famille et les biens. Et il y a quoi qui reste? Les bonnes actions. Entre parenthèses, on peut poser la question, comment les biens suivent? Rien que les habits de ton fils, ce sont tes biens. Si on t'a ramené dans ta voiture, à toi, ce sont tes biens. Donc ce sont tes biens qui suivent. Là, il y a deux qui reviennent. Au contraire, dès qu'on rentre, on va penser comment séparer l'héritage. Donc, il y a deux qui reviennent, il n'y a qu'une seule qui reste. Donc, le temps d'augmenter le nombre des bonnes actions, car ce sont elles qui vont rester avec toi. Wa qala shaqiq al-balkhi. Qala nazartu ila al-khalqi. Fa'idha kullu shaqsin lahu mahboub. فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه خلاص ما يمشي يكون معك في القبر ماشي فارق قال فجعلت محبوبي حسناتي لتكون ما في القبر معي سيدي بل باغول قال جي regardé la dunya j'ai trouvé que chacun il a un bien-aimé لكن j'ai remarqué au moment de la tombe il y aura une séparation certes il y aura cette séparation. On a jamais vu une femme qui rentrait avec son mari dans sa tombe. Impossible. Elle va le quitter. Pas voilà. Donc il a dit, mais j'ai regardé, il y a une seule chose qui peut t'accompagner, c'est les bonnes actions. Du coup, alhamdulillah, j'essaie de les augmenter pour qu'ils soient avec moi. C'est ça. Ça ne veut pas dire ne pas se marier, ou là qu'il soit sûr que ta femme, elle ne sera pas à côté de toi dans ta tombe. Là que tes bonnes actions, ils seront avec toi. Donc le temps de les augmenter. Subhanallah, parfois, comme j'ai dit, tu te demandes d'où ça sort ces paroles. Ajab. Comment Allah Ta'ala leur a donné la sagesse, en deux mots, ils disent des choses, on est incapable d'écrire des livres pour s'exprimer, rahimahullah. Qala, alayhi salatu wassalam, ya dhahhak, ma ta'amuk, qala ya Rasulallah, al-lahmu wal-labanu. Allah, je connais l'aklouhum. Qala, thumma yasiru ila mada. هذا سبحان الله في الحديث c'est vraiment une claque, une gifle pour ceux qui aiment la dunya. Et vous allez voir la dunya qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à Allah Jalla wa Ala, ou pour Allah Ta'ala elle vaut quoi? قال إلى ما رسل قال إلى ما قد علمت والمات لو تصير معروف مكانه. قال فإن الله تعالى ضرب مثل ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. هذه الدنيا الماكلة الأكل يدخل طيب يخرج خبيث والعياذ بالله نجس. هذا الدنيا بالنسبة لله جل وعلا هي كما يخرج من بطن ابن آدم. لهذا هم قول علي بن طالب من كانت همته فيما يدخله إلى بطنه كانت قيمته فيما يخرج منها. صح ولا نعم؟ ما تقول يا بنو تكون في طيب دونك النبي صلى الله عليه وسلم تدرس ضحاك رضي الله عنه cette histoire là و هذا الحديث اللي غنبقى تبقى احمد تطفي بعض الالباني قال يا ضحاك tu manges quoi? Il a dit le lait, le lait, et la viande. Alors après, ça devient quoi? Il a dit, ça devient compulsé. Allez, c'est des déchets, quoi. Si quelqu'un est pris avec en sachant, alors sa prière, elle est annulée. Najasa, wal'ayyadu billah. Alors, tu sais qu'Allah Ta'ala, il a donné l'exemple de la dunya comme ce qui sort du ventre de fils de Adam. C'est ça. Ça de lui. Ce n'est pas ce qui rentre, non, c'est ce qui sort. C'est pire encore. Ah ben, il y a de dunya, elle vaut rien du tout. Juste pour savoir, c'est quoi avec dunya. Les gens, parfois, ils ont du mal à dunya, dunya. Tu dis, pour moi, une chose dont Allah Jalla wa Ala, il a donné cet exemple, elle ne mérite pas ce qu'on fait pour elle. وصدق من قال دعنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب وأيضا صدق من قال الذي قال تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تبقى إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صغار كان يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري قال يعني هو يعني كم من صحيح مات من غير علة combien de personnes meurent sans maladie et tant de personnes malades qui vivra longtemps. Donc c'est pas question, d'accord, les maladies et tout c'est des causes pour la mort, voilà, qui ne puissent pas. ثم قال combien de femmes on l'a préparé pour son mari alors que son linceul il était juste à côté. Et c'est vrai, elle se préparait pour le mariage, elle est morte avant, والعياذ بالله. Et ça, c'est connu, on en connaît plein d'exemples dans notre entourage. Nassallah jalla wa ala al-afi wa salam. J'ai un rajoul ila Abi Dharr, radiyallahu anhu, faqal, faja'ala yuqallibu bansarahu fi bayti, faqal ya Aba Dharr, ma ara fi bayti ka mataha, wala asafa, faqal, inna lana baytan nuwajjihu ilayhi saliha matahina, faqal, إنه لا بد لك من متاع ما دمتها هنا يلزمك أثاث في الدنيا قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه رب ما خلنا ناس donc Abu Dharr un héros chez lui ne trouve pas grand chose comme immeuble il dit pourquoi tu prends pas يعني des choses pour immeubler يعني ta maison et lui a dit j'ai une maison à laquelle j'envoie mais bien en quelque sorte. Il veut dire, la vie de delà. Après, il lui a dit, mais quand même, tu auras besoin d'un petit peu de choses dans ta maison. Et lui a dit, le problème que le propriétaire de la maison ne va pas nous laisser rester devant. C'est vrai. Allah Ta'ala ne va pas laisser l'entendre ici. Sauf quand le problème que le propriétaire ne va pas nous laisser. C'est ça. Yani, on n'est pas éternel, هذا il faut le dire. قال أبو حازم الزاهد رحمه الله ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي أمان يعني حتى يمكن اللي مضى حلم خلاص واللي ما زال أمان ما تدري لكن أبو حازم رحمه الله قال ce qui est passé de la dunya ce sont des rêves خلاص c'est de rentrer dans le passé c'est de devenir des rêves. Et ce qui reste, c'est l'espoir. Donc on ne pousse rien. Fahwala. Rêve et espoir. Ou souhait. Wa qala aïvan, ma fi dunya shay'un yasurruk, illa wa qad ulziqa bihi shay'un yasurruk. Fali dunya. Kul farha, la budda tatnagraf. Qabla zawaj, yuhib l'insan yitzawaj. Lama yitzawaj, tasbah masakil zawaj. إذا كان الزوج يقول يا رب من علي الأبناء لما تأتي الأبناء ربما تأتي المشاكل وهي ماشية هكذا الدنيا دائما كل فرحة وراها نكد لأن ليس الدار أصلا للعيش لأن لو كانت تسوى عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء لو كانت ثلاثة دي يبقى إن بون شوز دون لا في دي الشباب sans qu'il y ait une mauvaise chose derrière. Yani, dans la dunya, les biens, la femme, etc. Tu es célibataire, tu dis, Alhamdulillah, je me marie, c'est le bonheur total. Tu te maries, il y a des problèmes dans le couple, c'est normal. Après, tu dis, Allah, juste, il me donne des enfants, Alhamdulillah, tu as des enfants, et après, il y aura des problèmes. Tu as dit, j'aimerais bien devenir tel ou tel, tu viens cet homme-là, tu auras des problèmes, ainsi de suite, jusqu'au ta tombe. Donc, celui qui cherche le bonheur total, ça ne sert à rien qu'il se fatigue à le chercher là. Là, qu'il est ici, fait les bonnes actions pour avoir justement ce bonheur total. Yani, pour ceux qui se fatiguent, tu leur dis, il faut leur dire, irbiru ala anfusikum, calmez-vous. Calmez-vous, là, il n'y aura jamais un bonheur total. C'est pour ça que cette personne dit, subhanallah, il y a toujours des problèmes. Il dit, mais c'est ça de dunya. Je ne comprends pas. Il dit, subhanallah, que des problèmes. Mais elle est de dunya, on ne sait pas. Alors, justement, ton mot que des problèmes, c'est la définition de la dunya. Il y a quoi qui est de bonheur total dans cette vie, c'est dîme. On ne peut pas dire dîme, il y a des choses pas. Non, dîme, c'est que du bonheur. Donc le temps de s'attacher à cette religion. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد قال يعني على الدنيا فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. Donc, comme on a dit, la dunya c'est quoi? Des malheurs avant d'arriver à ce but que tu cherchais. Et quand tu l'auras, ça sera aussi que des malheurs. Et quand ça part, tu seras encore plus triste. Donc c'est ça. C'est ça la dunya. Il n'y a jamais un bonheur total dans cette dunya. Lakin, كثير من الناس, كما يقول بعض الخرافيين, أن الزهد هو لبس الغليظ وترك المال وعدم التزوج والتمتع بالمباح. Est-ce que le délaissement de la vie d'ici-bas, c'est de porter des vêtements sales, ou ne pas se marier, ou ne pas faire des enfants, ou le fait de parler à voix faible ou basse, ou se comporter avec les gens d'une manière pour se montrer que tu dis la dunya, ben non. C'est pas ça la définition de délaisser la dunya. Al-Thawri rahimahullah قال الزهد في الدنيا هو قصر الأمل وليس أخذ الغليظ ولا لبس العباءة. Donc Al-Thawri dit rahimahullah que l'attitude, le délaissement de la vie d'ici-bas, c'est le fait de ne pas avoir l'espoir dans la vie d'ici-bas. Tout le temps se rappeler qu'il se peut demain, ce sera ma genèse. Voilà. Tout le temps se rappeler que tu n'es pas là pour longtemps. C'est ça l'ascétisme, c'est ça le délaissement de la dunya. Et elle dit, c'est pas le fait de porter des vêtements épais ou mettre une haba'a comme il le faisait Soufidia à l'époque. Et actuellement, tu le vois, son kramis n'est pas repassé, ils sont pas bons, wal'ayadu billah. Après, tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Hey, dunya vaut rien. Ben non, dunya vaut rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, attaybou an nisa wa ju'alat qurrat 'ayni fi s-salat. Les femmes, il aimait bien le parfum. Et son bonheur, et son amour. Il était plus dans la prière. Mais ça n'empêche pas qu'il aimait le parfum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était bien habillé. Ibn Abbas, quand il est parti discuter avec Al-Khawar, j'en dis, oh, quel vêtement. Il a dit, j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam porter des meilleurs. Nabi sallam, il n'avait pas beaucoup les moyens alayhi salatu wa salam, mais il était propre alayhi salatu wa salam, et les compagnons radiallahu anhum, ils étaient propres et faisaient attention à leur physique, là, ils avaient derrière des femmes. Comme il a dit Ibn Abbas, inni la atazayyanu laha kama uhibbu an tatazayyana li. Ibn Abbas, il a dit, je me fais beau comme elle se fait belle pour moi. Et c'est ça les compagnons. Et c'est ça le faqa. C'est pour ça que tu ne trouves jamais un alim, on parle même dans nos époques. Tu ne trouves jamais un alim dont le qamis il est sale. Subhanallah, les ulama, tu vois comment ils mettent leur routra au millimètre près. Leur parfum, tu le sens peut-être de loin. Alès, il y a une maison bien quand même. Là, en même temps, c'est des gens qui délaissent vraiment la dunya. Là, ils n'ont pas d'espoir dans cette dunya. Amma, mettre n'importe quoi. Alors que tu as les moyens, ce n'est pas le délaissement de la dunya. Voilà, on allait ne pas travailler et rester dans la mosquée jour et nuit. Ou partir, ou là, je ne sais pas, et laisser ses enfants. C'est pas zuhd fi dunya. C'est zuhd fi din. Ça, ce n'est pas le délaissement de la dunya, c'est le délaissement du din, de la religion. Donc, il faut pas mal comprendre que le délaissement de la dunya, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ne pas négliger sa part. Quelqu'un qui est marié avec une femme, il ne va pas la laisser. La femme de Abdullah ibn Amr ibn As, elle est venue se plaindre. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, j'ai rien à me reprocher à Amr, à Abdullah, غير أننا لم نعرف له فراشا أو أنه لم يطأ لنا فراشا منذ تزوجنا. Elle a dit, j'ai rien à reprocher sur Abdullah ibn Amr ibn As, رضي الله عنهما, sauf que depuis le mariage, il n'a jamais consommé en quelque sorte son mariage. Et la Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Ta famille elle a un droit pour toi. Et tes enfants aussi, ainsi de suite. Après, il a dit si tu veux jeûner, tu jeûnes un jour et tu manges un jour. Et c'est exactement le jeûne de Daoud alayhi wa sallam. Donc il faut bien comprendre c'est quoi le délaissement de la dunya. Délaissement de la dunya, c'est ne pas avoir beaucoup d'espoir. Et savoir que du jour au lendemain, tu peux mourir. Donc le temps de se préparer à tout instant. Et hada Abu Muhammad. رحمه الله لأن سلف كان كل يوم يقوم يقول زوجته إن مت آتي لفلان يغسلني وفلان يكفيني وكذا. قيل لها أهذا يفعله لما يمرض أو كذا؟ قالت وذلك كل يوم أو كل يوم. Tous les jours il se réveille, dit à sa femme, si je suis mort aujourd'hui, va demander tel ou tel, celui qui me lave, tel ou tel qui me prépare, ainsi de suite. On a posé la question à sa femme, est-ce que ça c'était de temps en temps? Elle a dit tous les jours. C'est ça la fétiche. C'est ça le délaissement de la dunya. Voilà, retenez ça très bien. Yann al-Mubtadi'a, al-Dhullal, il trouve le mot délaissement de la dunya pour attaquer certaines personnes. Ils disent comment vous prétendez suivre le haq alors que vous avez des voitures. Vous avez, alhamdoulilah, j'utilise ma voiture pour le chemin d'Allah, jalla wa ala. Je me marie pour préserver mes passions, voilà, préserver mon din. J'ai fait des enfants, justement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des enfants. Ainsi de suite. Hada, retenez-le. Très bien. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله قال الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. هذا هو الزهد. كل شيء تعرف أن هذا لن يقربني إلى الله جل وعلا أتركه. هذا الزهد. ابن تيمية يدفني الزهد دي اسمه دولة دوني سيكوى لدي سيكوى لدي سيكوى لدي qui n'est pas bénéfique le jour du jugement, c'est ça. Et ça, si on pense de cette manière-là, je peux vous dire qu'on ne sera pas à cet état-là. Avant de faire toute chose, est-ce qu'elle peut être bénéfique pour mon dîme ou pas? Si elle est bénéfique, je la fais. Si elle n'est pas bénéfique, il ne faut pas la faire. Ou have a awesome. C'est un fondement. Et c'est une chose principale à retenir. Avant tout acte, un frère, il vient me voir, et là je fais des parenthèses, voilà qu'elles sont bon sujet. Un frère, par exemple, il vient me voir, si je sais qu'en allant avec ce frère-là, il y aura un bien pour mon dîme, j'y vais, si c'est possible. Si je sais que le fait d'accompagner ce frère-là, j'aurai que de perdre du temps, je le dis. Voilà, voilà. Mais obéir et accepter, par exemple, toute invitation ou voilà, toute proposition, là, chauffe. C'est bien pour mon dîme, je fais. C'est pas bien pour mon dîme, je fais pas. Ça, on le voit. Un frère, il vient passer de voir, ça te dit qu'on va à tel hôtel, tu perds toute ta journée, t'as fait rien. T'as passé 4 heures dans une sandwicherie et 3 heures à parler devant la mosquée, tu rentres fatigué, tu négliges les droits d'Allah Jalla wa Ala et tu négliges les droits de ta femme. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc avant de faire toute chose, est-ce qu'elle est bien pour mon dîme ou pas? Cette personne, elle va augmenter mon dîme. Il y en a certaines personnes, tu restes avec elle, wal'iyadu billah, ta foi elle baisse. Je n'ai pas besoin de ces gens-là. Soit c'est des gens qui me rappellent, qui me conseillent, que j'aurai, mashallah, que des bonnes paroles de ces gens-là, alhamdulillah, le temps de faire l'effort pour les voir et les rencontrer. Voilà, des personnes qui me font perdre mon temps, là. لأن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux choses dont les gens ne profitent pas, c'est quoi? C'est la bonne santé et le temps. À ma perdre son temps comme ça toute la journée, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا من الضلال. Et ce genre de rencontre ou ce genre de choses à faire qui fait que casser ta foi, tu le sens, dès que tu finis ce genre de choses, tu sens la poitrine rétrécie, voilà, quand tu as passé toute ta journée dans le chemin d'Allah Jalla wa Ala, tu as fait que des bonnes actions, tu n'as pas perdu ton temps, tu as appris, tu as transmis, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as respecté bien les droits de ta famille, subhanallah, le soir tu es à l'aise. Le lendemain, tu n'auras pas de mal à te réveiller à Salat al-Fajr. لكن الذنب على الذنب لا بلاد sur la blade ainsi de suite il perd son temps comme ça هذا والعياذ بالله من الضلال المبين وفق الله الجميع ان شاء الله وكما قلنا ان نعم الله جل وعلا هي نعمة فعلا هي اسمها نعمة لكن لابد من استغلال نعم الله جل وعلا في الطاعة لهذا قال ابو حازم قال كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية كل نعمة منها عليك ربي إذا استغلتها في الطاعة فبها ونعمة وإلا فهي بلية ورزية والعياذ بالله donc Abu Hanim dit toute chose ou tout bienfait qui ne te rapproche pas vers Allah Jalla wa Ala c'est de la perdition et c'est une catastrophe musulmane donc Allah Ta'ala, il donne à son serviteur. Mais on va voir. Est-ce qu'il l'utilise dans le chemin d'Allah Jalla wa Ala ou pas? Et j'en ai vu une fois un à la télé. Quand il était jeune, il était loin du chemin d'Allah Jalla wa Ala. Il a fait un accident, il avait le dos cassé. Il est devenu même pas handicapé. Il ne peut même pas se redresser un petit peu par terre. Yani, vraiment, il est allongé tout le temps. Le monsieur lui a dit, tu souhaites quoi? Il a dit, juste me redresser une seconde et faire une rak'a. Wallah, il lui a dit, une rak'a, uniquement. Alors qu'il avait la santé, il pouvait même aller dans le monde, prier dans toutes les mosquées, s'il veut. Voilà, Allah Ta'ala, il te donne la santé, le temps, la femme, ainsi de suite. Si tu ne l'utilises pas dans le sentier d'Allah, Jalla wa Ala, hiya alayka wa bal, c'est la perdition totale. Donc le temps de bien profiter dans les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah il me donne, parfois on est content, on dit Allah il me donne, mais tu sais pas. Donner Allah, non mais kafir il le donne. Voilà que le croyant l'utilise dans le bien, le kafir l'utilise dans le mal. Donc tu ne sois pas de l'autre catégorie. Ya la qala shafi'i, rahimahullah, ya man yu'aniqu dunya la baqa'a laha. Tumsi wa tusbihu fi dunya ka safara. هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أذكار إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار donc Shafi'i dit si tu veux vraiment le jour du jugement en quelque sorte embrasser les femmes du paradis et bien il faut que tu négliges la fille d'ici-bas et il dit يا خاصب الحور الحساني وطالبا لوصلهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بدلت ما تحوي من الأثمان صح ابن القيم دي si tu veux les femmes du paradis donc prépare la dot c'est vrai la dot c'est pas l'argent c'est les bonnes actions donc le temps de augmenter ces hasanat justement pour pouvoir payer cette dot qui est la dot du paradis et on va voir que ce qu'on donne par rapport à ce qu'on a inshallah c'est le jannah c'est rien de tout on rentre avec la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Pour laquelle il faut faire les causes et les bonnes actions. يقول الحافظ ابن رجب زين الدين الحنبلي رحمه الله تلميذ ابن القيم قال يعني ان من الامور التي تعين الانسان على ترك الدنيا شيئان اولا علم العبد ان الدنيا ظل زائل Donc Ibn Rajab rahimahullah قال جامع المحكم قال il y a deux choses qui aident pour délaisser la vie d'ici-bas. La première chose c'est le fait de reconnaître la réalité de la vie d'ici-bas. surtout. Les gens, parfois, ils ne savent pas la réalité de la mitzvah. Et là, on a cité plein de versets, hadith, ainsi que des paroles de nos salafs. Donc, parmi les choses qui aident, c'est le fait de reconnaître la réalité de la mitzvah. Elle vous met pas l'aile d'une mouche. C'est pas une mouche, c'est l'aile. Donc, elle ne mérite pas grand-chose, la haqiqa. Et une dunya, après laquelle il y a une mort, il y a une tombe, il y a l'enfer ou le paradis, il faut se méfier. Et l'homme, il ne faut pas qu'il dise « moi je suis croyant ». Il ne faut pas qu'il dise « moi je suis sincère ». « Moi je suis ceci, moi je suis cela, walakin utlub min Allah al-afiyah ». Il faut dire que « Allah Jalla wa Ala préserve-moi ». Et là, vous ne savez pas la grandeur. Voilà, vous ne vous rendez pas compte du moment de la mort. Saouri, avant son mort, il pleure. C'est pas quand il n'a pas fait beaucoup de choses. Il a dit, Akhafu ayus laba min al-iman. J'ai peur que ma foi, elle part tout de suite. Saouri, c'est pas nous, c'est Sofiane Saouri. Vous rendez compte. Même pas Bakat al-Aim al-Arba. Pratiquement au même niveau des quatre imams, pratiquement. Sofiane Saouri, imam al-Iraq. Sauf ce qu'il a dit, voilà. Abu Darda, pendant sa mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Hal min amilin li mithli masra'i hada. » Abu Darda, il a dit, « Il n'y a pas un d'entre vous, pendant sa mort, c'est un compagnon, il n'y a pas un d'entre vous qui travaille pour ce moment-ci, alors qu'il était en train de vivre. » Yani, « Ad-dunya, vu qu'il y a la mort après, donc le temps de la délaisser, la haqiqa. » Les médecins, dans la vie d'ici-bas, ils soignent les gens. Là, que ces mêmes médecins-là, pendant la mort, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Kalla idha balagat at-taraqi wa qila man raq. Shkun yirqik wala insan. Wa dhanna annahu firaq. Pendant la vie d'ici-bas, c'est lui qui soigne les gens. Et bakhlas pendant sa mort, qui se soigne lui-même. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Lihada qal Zayd ibn Ashraf ibn Sharib al-Kindi al-Hafid al-Ma'ruf, qal إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى فكي لدي le médecin il est mort, le pharmacien il est mort, celui qui est parti chercher le médicament il est mort. Tout le monde va mourir. C'est une réalité. À ne pas la fuir. Fais ce que tu veux. Ishma bada laka fa innaka mayyitun. Vis comme tu veux, quand tu veux. Yani le moment qu'Allah Jalla wa Ala il a écrit pour toi, walakin à la fin, innaka mayyitun. Donc, le temps de se rappeler tout le temps de ce moment-là, ça fera un bon. Ça fera une bonne motivation justement pour délaisser cette vie d'ici-bas qui vaut rien du tout en quelque sorte et travailler pour le jour du jugement. وَلَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا وَبَاقِيًا لَكِنَّهَا تَفْنَى وَيَفْنَى نَعِيمُهَا وَتَبْقَى الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي كَمَا هِيَ. Si la dunya elle va rester, elle aurait demeuré pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ أَهُمُ الْخَالِدُونَ » Allah Ta'ala il a dit à son messager sallam, on n'a jamais fait qu'une personne soit éternelle avant toi. Si toi tu meurs, ce n'est pas eux qui seront les éternels. C'est vrai ou pas? Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des créatures, il est mort. Les autres, même babi aoula, systématiquement, il n'y a pas d'outil sur ça. Si quelqu'un dit, ouais, tu étais en train de dire des choses banales. Non, elles ne sont pas banales, car on a tendance à oublier. Tout le monde sait qu'il va mourir, voilà, qui prépare, pas tout le monde. Donc ça prouve que la certitude, elle n'y est pas. Ou on néglige. Sauf que voilà. Moi, regarde, tu chauffe. Aïe, Bajah, ou Qabla Fir'aou, ou Qarou, ou Haman, ou Bujah, ou Aqbab ibn Nuhay, Genghis Khan, ou Atatürk, ou Hitler, ou Kadha. Ils sont où les têtes du coffre qu'on les a connus et ainsi de suite? Ils sont où? Ils sont morts. Fais ce que tu veux dans la dunya. tu fais ce que tu veux, à la fin tu vas être, tu vas mourir. Je ne retrouve jamais une personne qui dit je suis éternel. Kafir ou musulman. Ça c'est une réalité à ne pas discuter. Haqiq. Personne ne doute. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى لا شيء غير الله يبقى من علف الله بعد لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلده ولسليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد عاد le peuple de Hud ils ont voulu être éternel est-ce qu'ils ont pu ils ont pas pu rien que Suleyman عليه الصلاة والسلام il était le plus grand roi et c'est un prophète ولكن ما كان سائل il est mort. Donc il a dit, il y a un moment par lequel tout le monde va passer. C'est quoi? C'est la mort. Donc le temps de se préparer. La deuxième chose qui aide aussi pour négliger ou délaisser la vie d'ici-bas, c'est un ilm al-abdi. Anna wara al-dunya darun, ou darun, a'wama minha qadaran wa ajalla, wa hiya darun baqa. Là où il faut qu'il, aussi, on a dit, la première chose qui aide à délaisser la vie d'ici-bas, c'est de reconnaître la réalité de la vie d'ici-bas. La deuxième chose, reconnaître la réalité de la vie de-delà. Sauf, si tu sais qu'après cette vie, il y a une tombe, et tu sais qu'il y a un paradis, il y a un enfer, donc, l'intelligent, c'est celui qui se prépare, justement, pour cette demeure finale. Et ce n'est pas la tombe, la demeure finale, c'est le paradis, pour l'enfer, parce que Allah al-Karim nous fasse. والناس تغفل ظن أن القبر بيت يكيف في الصيف كما نقول. Les gens parfois quand ils partent de la tombe, la tombe quoi. C'est pour eux on dirait une maison à louer. C'est pas du tout ça. عثمان كان يقف على القبر ويبكي. قيل له تذكر الجنة. وقصة رواه الترمذي بسند حسن. تذكر الجنة ولا تبكي وتذكر النار ولا تبكي وتذكر القبر فتبكي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه عثمان يقول tu parles du paradis tu pleures pas tu parles de l'enfer tu pleures pas et dès que t'es à côté d'une tombe tu pleures il a dit j'ai entendu dire en avis sur celle-là que j'ai jamais vu une image pire que celle de la tombe. Mais les gens ne connaissent pas cette réalité. Le qabr, c'est un munkar wa nakir. Munkar wa nakir, soud al-wujuh, zurq al-uyun. Manzar fadhi'u al-'ayn billah. Dans la tombe, il y a munkar wa nakir. Et le fait de l'appellation munkar wa nakir, elle est vraie. Rapportée par Al-Tirmidhi et Al-Albani et Al-Tirmidhi. Munkar wa nakir, c'est les deux autres qui vont poser la question. Ils ne sont pas beaux, physiquement. Ça fait peur, noir avec des yeux bleus. Donc, subhanallah, la tombe, c'est pas n'importe quoi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. سعد الذي اهتز له عرش الرحمن. Nabi sallam dit s'il y a une personne qui sera sauvée du rétrécissement de la tombe au début, ça sera qui? Ça sera سعد ابن معاذ رضي الله عنه. Le chef des Ansar, qui mort martyr, radiallahu anhu. Lakin Nabi Sallam a dit, Sa'ad, tu sais que Nabi Sallam, qu'est-ce qu'il a dit sur lui? قال la mendilun, min manadili Sa'ad fil Jannah, khayrun min al-dunya wa ma fiha. Nabi Sallam a dit, une serviette, des serviettes de Sa'ad, ibn Mu'ad, dans le paradis, c'est mieux que toute la vie d'ici-bas. Malgré ça, Nabi Sallam a dit, quand il est mis dans sa tombe, elle était rétrécie. Ou elle a rétrécie. Donc, si Sa'd n'est pas sauvé de ça, c'est pas mieux. Voilà qu'un ahl al-ilm a dit, ظمت القبر للمؤمن كظمة الحبيب لحبيبه. وظمة القبر للكافر أو الفاجر ظمة عذاب تختلف منها أضلاع. Il y a une différence. Le rétrécissement de la tombe, pour le croyant, quand tu aimes quelqu'un, tu le prends dans les bras. Il a un peu mal, mais ça, c'est par amour. Walakin pour le kafir, wa'iyadu billah, c'est tu me prends pour le châtier. C'est pour ça qu'il y a ces codes qui sont classés au layyad billah. Les gens disent, comment un croyant subit ça? Il subit ça, walakin, par amour. Walakin, c'est vrai, il a un peu de mal. Wahul ilm, yaqulu anna même le petit qui en est mort, il subit ce rétrécissement. Sah, après, pour le croyant, ce sera bi'idhnillah une partie du paradis. Walakin, ce rétrécissement, on va le vivre tous. فكما قلت ضمة القبر المؤمن كضمة الحبيب لحبيبه وضمة القبر الكافر ضمة عذاب تختلف منها أضلاعه يوم القيامة. كثير من الناس لما يتحدث عن يوم القيامة يتحدث كأن يوم من الأيام وهو يوم 50,000 سنة. الشمس قد رميل يعرق الناس أو يكون الناس في رشهم حد الأذنين أو أكثر. Les gens, quand ils parlent du jour du jugement, ils diraient qu'ils parlent d'un jour férié. Ah, il y a un énorme, le jour du jugement. Non, Salaf n'était pas comme ça. Quand ils parlent du jour du jugement, ils avaient des cœurs qui frémissent en quelque sorte, qui tremblent. À l'âge, ils ont bien compris la réalité de ce jour-là, qui est très dur, 50 000 ans. Le soleil est juste au-dessus, Qadr Mil. Et chacun, il a son niveau de transpiration selon ses actes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرن القرن. Le hadith est Ahmed, le hadith de Nabi Amr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: comment je me repose alors que celui qui a la trompe, ou la, yani celui qui souffle dans la trompe, c'est ça? Trompette? Trompette. Il est prêt à souffler. Yani le jour du jugement arrive. Ils n'ont pas le jour du jugement. Ça arrive, khalas. Mais c'est le bu'ithu ana wa sa'ata hatay, hadith muslim. Jad. Il reste juste ce petit bout-là. Khalas. Vrai que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des signes de la fin des temps. Petit, lakin, des petits signes, voilà qui c'est le premier signe. Donc il ne reste pas grand-chose. En plus, pour toi, dès que tu es mort, khalas, pour toi, c'est fini. Mahma taqamat qiyamatuhu. Donc le jour du jugement, il n'est pas loin. Entre nous et le jour du jugement, c'est la mort. Thumma nafkhat al-ba'th. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les gens parfois, ils disent que j'ai, alhamdulillah, on aura des choses qui nous sauvent le jour du jugement. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça aux compagnons, il ne dit pas de la façon. Il dit, « Si un homme, il a fait le visage du jour du jugement. » Et comme je l'ai dit, Ahmed, في حديث النبي عمرو بسند صحيح قال لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هو يعبد ربه هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. عمر كامل يعبد في ربي لما يرى من أهوال يوم القيامة يقول يا ليتني فعلت كذا وكذا. Le Seigneur dit, si quelqu'un d'entre vous, il passe toute sa vie en train de faire des bonnes actions, toute sa vie, il a dit, le jour du jugement, il a dit, il va maîtriser tous ses actes. Il va dire, j'espère revenir pour faire encore plus d'actes. Ce n'est pas un moment facile. Pour ceux qui disent, Alhamdulillah, on fait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas, il ne fait rien. Alhamdulillah, j'ai assez de bagages. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il a dit. Hatta idha jaa ahadahum l'autre, qala rabbi irji'oun. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها حتى إذا أحد قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بسويتي غرنير ولكن غرنير كوا خلاص أنت دوني شرطين بيريود تلا فيكو تفا بروفيتي خلاص. نبي صلى الله عليه الله تعالى يجيب حديث قدسي صحيح مسلم حديث أبي ذر إنما هي أعمالكم أوفيها إليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله تعالى الذي في الحديث القدسي قال سسوك فوزات يقول غدون si vous trouvez un bien remerciez Allah si vous trouvez autre chose vous يعني vous pouvez reprocher qu'à vous-même لأن c'est toi responsable. Ton corps, c'est toi qui as fait que ton corps soit châtié. Donc le temps de préserver sans son nefs. نسأل الله الكريم من فضله. إذن l'homme, il faut qu'il néglige pas ce qu'il attend le jour du jugement. Wa l'un des salafs, quand on leur parle de ça, un petit moment, ils s'évanouissent, et peut-être qu'il y en a certains qui sont morts. Ça, on les lit dans les histoires. Il y en a certainement, ils n'arrivent pas à accepter ce qu'il y a après. Quand Omar ibn Abdel Aziz, la nuit, il prie, il lit Al-Qari'atu Mal-Qari'a. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني منتشر يتورن دون سابيس يسكسي سيبان يشتبه القارعة لو با شاكوتي دي ذرسي كو سي با سي ذرسي لا سي أبو بكر إلي لي سي با سي لا غيب لو فينيخ تلمو يتخني الله جل وعلا للكمبانيون النبي صلى الله عليه وسلم يباس une nuit entière ou un peu moins, à lire quoi ? « إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُمْ » Aïcha, elle passe une journée à lire un verset et pleurer, c'est quoi ?« فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ » Juste un verset. Abdel Malik, Ibn Omar ibn Abdel Aziz, il fait le salat, il arrive, « وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ » Il ne peut pas la finir. Il recommence, il lit « وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ » Il ne peut pas la finir. Jusqu'à ce qu'il ait est tombé dans les pommes. Il n'a pas pu finir ce verset. Tellement c'est lourd. Ya Allah Jalla wa Alaihi Qul, Afala yatadabbarun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Le temps de méditer sur le Qur'an. Wa sadaqa man qal, mathil wuqufaka yawm al-hashr uryana, mustawhishan qaliq al-ahsha'i hayrana, wal-nar talhabu min ghaydin wa min hanaqin. على العصاة ورب العرش غضبانه اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما أقررت فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانه المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون في جنة الخلد سكانه. Toujours, justement, tu vois des gens, dès qu'ils arrivent et tu les vois comment ils se dirigent vers le paradis, les kuffars, tout de suite, les portes sont ouvertes pour les mettre dans l'enfer ou l'ayad ou billah, et toi, tu ne sais pas quoi faire. Et ça, ça nous arrive, parfois, juste un simple examen au lycée ou à la faculté, le monsieur, il distribue le sujet, il me dit, subhanallah, j'espère que cette partie, tu ne sais pas. Tu es là, et il dit, quand tu ne sais pas le futur, et tu ne sais pas ce qui s'attend, ça, le moment le plus dur pour l'homme. Il y a une décision qui sera faite par exemple dans deux minutes, qui va vraiment faire une... ce sera une décision pour toi, principale pour ta vie. Un échec, une réussite, ainsi de suite. Subhanallah, l'homme, il attend là, il pense à rien du tout. Et bien après, c'est pas échec ou réussite, c'est paradis ou enfer. C'est ça la différence. Dans la vie d'ici-bas, un échec, alhamdoulilah, c'est... يعني تا encore un moyen pour te rattraper لكن après c'est le paradis ou l'enfer ou l'ayat de Allah après il y a le sirat à dépasser ainsi de suite, on va pas rentrer dans les détails. Donc tout ça pour se rendre compte de ce qui attend toute personne. Et nous on parle en tant que musulmans, voilà que ceux qui négligent والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم خلاص هم خلوهم في شأنهم. أما بالنسبة للنار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. كيف إنسان عند النار تنتظر فيه ينام, كيف إنسان عند الجنة تنتظر فيه وينام. Donc النبي صلى الله عليه وسلم j'ai jamais vu comme l'enfer quelqu'un qui veut l'imiter il dort, et comme le paradis quelqu'un qui veut l'épouser ou la chercher il dort. Et c'est ça, comment il peut se reposer l'homme alors qu'après il y a un enfer à éviter et un paradis à y rentrer. Donc le temps d'avoir ce souci tout le temps dans sa tête. أما بالنسبة للنار فالناس لا تعلم قدر النار Les gens ne savent pas c'est quoi l'enfer. Quand ils parlent de l'enfer, comme j'ai dit, il y a l'enfer. Mais on ne se rend pas compte du danger et de la grandeur du châtiment d'Allah Jalla wa Ala. Allah est très miséricordieux, ou alors que son châtiment il est très dur aussi. Et celui qui veut plus des détails, moi je vais donner que des exemples. Khatan al-Ikhwa al-Indum al-Arabiya, Kitab Sahih al-Targhib al-Tahib. للمنذر بتحقيق الألبان يدخل صفة الجنة وصفة النار يجد العجب العجاب صحيح الترغيب والترهيب للمنذر وتطفي بعض الألبان لو ذلك لغة أحاديث on a rarement entendu ces hadiths. Parmi les hadiths que j'ai trouvé qui parlent sur l'enfer, et ça c'était juste un exemple. Là nous on a dit parmi les choses qui aident à délaisser la vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître la réalité de ce qui nous attend après. Selon tes actes, soit Janna ou Na. Donc on va voir ce qui attend quand le Messie a dit pour éviter cet enfer et pour connaître ce qu'il y a dedans. Le Messie a dit ثلاثة كما خرج ذلك أبو يعلى بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه من نفسه لاحترق المسجد ومن فيه النبي صلى الله عليه وسلم dans cette mosquée s'il y a 100,000 personnes voire plus il y en a un homme des gens de l'enfer sa simple respiration qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va brûler tout ce qu'il y a dans la mosquée. Juste un homme, des gens d'enfer, c'est pas l'enfer, c'est un homme qui fait partie des gens d'enfer, juste il respire, il souffle un peu, toute la mosquée, avec 100 000 personnes dedans, ça va être brûlé. 100 000 personnes, c'est une ville entière. Une personne. Pour se rendre compte du châtiment d'Allah, Jalla wa Ala. Espérer sa miséricorde, ha! Et craindre son châtiment, haq, le temps de vivre entre les deux. Donc, Allah Jalla wa Ala يقول ويحذركم الله نفسه. كما قال الشافعي إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. Il faut jamais quand on parle de l'enfer se dire il faut jamais penser que tu fais pas partie des gens d'enfer. Jamais. Il faut faire attention. Quand on parle de l'enfer, tout le temps il faut se dire c'est moi. Le temps d'avoir peur dans la vie d'ici-bas et être soulagé dans la vie de delà. Yana subhanallah. On a tendance quand on parle de l'enfer, c'est pas pour nous. Là, on n'est pas le murji'a. Ceux qui disent non, à partir de moi, tu es croyant, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. La dhurru ma'al iman idham. Là. On n'est pas le khawarij non plus qui disent que. Avec un simple péché, un grand péché, tu sors carrément de l'imam. Là, nous on dit au milieu. Les péchés peuvent te rentrer en enfer. Voilà que si tu es croyant, tu vas revenir au paradis. Voilà que les gens ne savent pas. Ils disent, mais alhamdoulilah, à la fin, on va revenir. Ils ne savent pas la grandeur du châtiment d'Allah, Jalla wa Ala. Ils ne savent pas déjà la réalité d'Allah, Jalla wa Ala. Les salafs, ils avaient très peur. À tel point que عمر رضي الله عنه أبو سمر ابن عباس بن أبوه قال يا عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عن كرام ثم صحبت أبا بكر ومات وهو عن كرام ثم حكمت فعدلت ومت فأنت على خير قال له عمر وددت لو أني خرجت منها كفافة حسنات قبل سيئات شوف عمر أبو سمر إذا الله بن عباس تتاوي النبي صلى الله عليه وسلم Et les morts satisfaits de toi. Avec Abu Bakr, qu'est-ce Et après, tu as gouverné 10 ans et quelques, voire 11 ans, les musulmans. Alhamdulillah, tu étais juste. Et il a dit, donc, Alhamdulillah, là, c'est le moment d'être tranquille. Omar lui a dit, j'espère sortir de cette vie d'ici-bas à égalité entre le hasanat et le sayyat. Il avait l'espoir. Voilà que le moment, il avait très peur du châtiment d'Allah. Et il avait dit, كان بالله أعرف كان بالله أخوف. Celui qui connaît Allah le plus, il va le craindre le plus. Voilà que celui qui n'a rien de tout, celui qui parle beaucoup, et celui qui aura la moindre crainte. Ils ne savent pas la réalité du châtiment d'Allah, Jalla wa Ala. Omar avant sa mort, وضعه ابنه أو غيره على فخذه قال ضع خدي على التراب ويل أمي إن لم يغفر لي ربي. Omar, à la fin de sa vie, on le met sur sa, un, son fils ou autre, il l'a mis sur sa cuisse, et dit, mais mon visage ou ma joue sur la terre. Elle dit, malheur à ma mère, si Allah, il ne pardonne pas de mes péchés. هذا عمر واحد من السلف قال لو أن أو لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل لم يستلف إلى دي si tout le monde les appelle pour rentrer au paradis sauf un homme il a dit je vais dire c'est moi alors il craint Allah جل وعلا لكن celui qui a rien de tout il croit que est العلامة الفهام et subhanallah dans le voie ceux qui ont la moindre science, et ceux qui sont même ici par la phrase carrément disent nous on fait partie de la communauté de Muhammad. Quelle communauté Allah dit ? Une seconde dans l'enfer, est-ce qu'on le supporte ? Il dit, mais à la fin on sera dans le paradis. Ils ne savent pas la réalité du châtiment d'Allah Jalla wa'ala. On a dit une mosquée, 100 000 personnes, ils vont être brûlés juste avec les chefs de restauration. Wallah al-musta'an. Mais là, ça veut dire, la tanzur ila shighari zambi, walakin unzur ila idami man afayt. Ne vois pas la grandeur du péché, là que ne vois la grandeur de celui que tu as désobéi. Et c'est ça la différence. Il y a un insan, mètre 70, 2 mètres, 1 50, quand il parle d'Allah Jalla wa Ala, il parle du simple créature. Il respecte pas, il donne pas la grandeur qu'Allah Jalla wa Ala il a. L'âme c'est quoi par rapport à la terre? C'est rien du tout. Et la terre c'est quoi par rapport au premier ciel? Ça vient du tout. Et le premier ciel, par rapport au deuxième ciel, c'est quoi? Kahalakatim fi falat, comme une balle dans un désert. Et le deuxième ciel, par rapport au troisième, comme une balle dans un désert. Après, ainsi de suite, jusqu'au septième ciel. Et le septième ciel, jusqu'au kursi, postier d'Allah Jalla wa Ala, ala haqiqati musbituhu, comme une balle dans un désert. Et au-dessus de ça, il y a l'arsh, le trône d'Allah Jalla wa Ala, wa la yaqdiru qadrahu illa Allah, wa Allahu fawqa al-arsh. Et Allah Jalla wa Ala est encore au-dessus de tout ça. Il vous rendez compte de la grandeur d'Allah Jalla wa Ala. Les gens ne savent pas la grandeur d'Allah Ta'ala. C'est ça Allah Jalla wa Ala. C'est ça sa grandeur. Rien que le trône, on ne sait pas à quelle grandeur il a. Et Allah Jalla wa Ala est encore. C'est le créateur de tout ce qu'on a dit. Et il est au-dessus de tout ça. Subhanahu wa Ta'ala. Jalla fi'ula. C'est ça Allah Jalla wa Ala. Tu n'es pas en train de parler d'un homme. Tu es parlé de tout ce qui. De celui qui a créé tout ce que tu as. Sauf tout Allah, donc le temps de savoir la grandeur qu'Allah Jalla wa Ala il a, n'as-tu Allah al-Karim al-Fadli. Wa al-Mu'min, la budda an yahish bayna khawf wa raja. Wa qabla zalib, un jour ma qayyim finnuniya, rahimallah, lama tahadda. An Allah Jalla wa Ala qal, wallahu akbaru zahirun ma fawqahu. Shay'un wa sha'nullahi azimu shani, wallahu akbaru arshuhu wasi'a sama. والأرض والكرسي ذا الأركان والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان رحمه الله ابن القيم رحمه الله ثم لكن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء le croyant qui vit entre l'espoir entre la crainte et l'espoir الله تعالى قال أما هو قانت الآناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالى قال ودعوه خوفا وطمعا والله جل وعلا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله تعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أنبك الله جل وعلا فارسبوار فخخان خان وصف شكلمو إنسبيري تميزيريكا نو كنت نطلع بإذن الله وكمبوصي لبارتي خان بار لبارتي إسبوار. Il ne faut pas dire qu'on est là pour que les gens disent Allah, Allah Jalla wa Ala est très miséricordieux. Ça, il faut le reconnaître. Nous, on parle d'eux, il y en a ceux-là qui disent quand ils sont que ta foi elle a baissé, il faut parler plus d'eux sur la crainte. Il faut que la partie crainte dépasse la partie espoir. Et quand tu sais que, alhamdulillah, tu fais des bonnes actions, le temps d'espérer la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, fa narjulil al-muhsini wa nakhafu alayhi al-muhsini. Espérer pour celui qui fait les bonnes actions et craindre pour celui qui fait les mauvaises actions. Et le croyant, comme je dis, il vit entre le khawf ou le raja. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mara al-mara faqadat ibnaha fil ghazwa, thumma akhadathu. Qala Nabi sallam, atarawna hadhihi farihatun ibnaha fil nar? Qala la, qala lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a perdu son fils et que quand elle l'a retrouvé, elle l'a pris dans les bras. Et le Prophète a dit, vous croyez que cette femme-là, elle va jeter son fils dans l'enfer. Ils ont dit non. Elle a dit Allah Jalla wa Ala, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme-là envers son bébé ou son fils. La miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, elle est énorme. Au contraire, wa rahmati wasi'at kull shay. Allah Ta'ala dit ma miséricorde, elle a englobé toutes choses. Et Allah Jalla wa Ala, quand il a créé les cieux et la terre, كتب عند العرش أن رحمتي سبقت عذابي أو غضبي. Allah Ta'ala a écrit auprès de son trône que ma miséricorde elle va passer en premier avant moi. Au châtiment. Allah Jalla wa Ala est miséricordieux par excellence. لهذا لو يرى الإنسان ما أعد الله له جل وعلا في الجنة يقول سبحان الله جل وعلا ما أحلمه وما أكرمه ما أحلم الله علي حين أمهلني وقد تماذيت في الذنب وهو يسترني. الله جل وعلا on fait des péchés jour et nuit, ولكن سبحان الله avec un simple repentir sincère tout s'efface. Pour montrer que la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala passe avant son châtiment. Et Allah Nabi Sallam qala kama fi Muslim, awwal zumratin yadkhuluna al-jannah min ummati ala surati al-qamari laylat al-badr. Thumma alladhina yalunhum ala ashad najmin fi as-sama'i idha'a, thumma hum ba'da dhalika manazil. Nabi Sallam dit la première, ou les premières personnes qui rentrent en paradis, ou le premier groupe, ils auront des visages comme la lune. Et ceux qui sont après, comme des étoiles qui éclaircissent après chacun son degré. Sauf toi là. Donc, pour se rendre compte de ce qu'il y a dans le paradis. Vous vous rendez compte, ils ont des visages comme la lune. La ilaha illallah, ma ahlam Allah Jalla wa Ala. Quelle clémence et quelle miséricorde Allah Jalla wa Ala il a envers ses serviteurs. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ما في الجنة شجرة إلا وشاقها من ذهب. حسن صحيح كما قال الترمذي. Donc le Seigneur dit, il n'y a pas un arbre dans le paradis sans que le tronc ne soit en or. Juste les arbres. Parce que nous, on a parlé d'enfer, là, quand on a parlé du paradis, pour savoir que celui qui cherche cette demeure finale qui est le paradis, il ne faut pas qu'il se repose. Et pour justement, pour savoir, il faut savoir sa grandeur. Et il faut savoir ce qu'il attend le croyant le jour du jugement. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. فقط تتمنى تشرب يأتيك الإبريق ليدك تشرب ثم يرجع إلى مكانه. خرجه ابن أبي الدنيا بسند الحسن من حديث أبي أمامة. لكن الإنسان يقول l'homme d'entre vous dans le paradis il souhaite boire. Il a envie de boire. Il a dit le récipient ou le verre ainsi de suite par laquelle il va boire, il vient à sa main, il boit, il revient à sa place. Juste souhaiter le fait de boire pour se rendre compte. Alors que les kuffars, voyez, c'est-à-dire que rase ben bima in kal muhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Alors que eux, wal a'yadu billah, qu'Allah fasse qu'on ne soit pas parmi eux, dès qu'ils souhaitent, disons qu'ils ont soif, ils souhaitent une chose à boire, il y aura quoi? De l'eau chaude qui va déchirer leur estomac, wa la'iyadu billah. Alors que le croyant juste qui veut boire, l'eau elle vient, ou la boisson elle vient dans sa main, et finit, et ça revient à sa place. Wana, ya'ni, bishya'arif al-insan, qadra rahmatillahi jalla wa ala, fa ya habbad al-jannatu wa qtirabuha, طيبة وبارد شرابها. وصدق ابن القيم رحمه الله قال هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. ابن القيم الذي cette demeure ce sera pour les gens du Coran et de la foi, c'est pas pour n'importe qui. لأن les gens dès qu'on parle du paradis ou mashallah et tout, mais dès qu'on parle des actes, hein, ça régresse. Là, le paradis, comme on a dit, il faut que tu prépares la dot pour le paradis. Wa fil janna kama kharraja dhalika ibn abid dunya bi sanad sahih hadith anas inna al hura fil janna yughannina yaqulna nahnu al hur al hisan hudina li azwaj al kiram. Shuf rahmat Allah jalla wa ala, yani la tafam dans le paradis elle va chanter, elle dit nous on est les hur, yani femmes du paradis belles, on est destinées ou guidées pour des hommes pieux ou généreux. Yani, c'est ça. Yani, les femmes du paradis, elles vont chanter pour toi. Sauf qu'est-ce qu'elle va dire? On est des femmes belles pour des maris يعني بيون ان كلكو سورت. لهذا ابن القيم رحمه الله قال في عرائس الجنة قال: فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حمر حسان قد تمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حمر الخدود سبحان الله ثغورهن لآلب يعني كلة الجوهر. قالت: سود العيون فواتر الأجفان أتراب سن واحد متماثل سن الشباب بأجمل الشبان. سبحان الله كل بير ديسكريبسيون pour celui qui a la rate qui lit la dernière partie qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله il a réservé pour le paradis quelques pages jusqu'à سورة الجنة avec une belle arabe رحمه الله. C'est parmi les meilleures descriptions qui étaient dites sur le paradis en forme de poésie. هذا في نونية ابن القيم موجودة. ولكن est-ce que dans le paradis il y a que ça؟ الله جل وعلا قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومن ذلك ما خرج الطبراني بسند حسن لغيره أن عبد الرحمن بن واسب قال: كنت أحب الخيل فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ قال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. اطلب شوف الى دي جيمي بيان لي شفو جي دي يا رسول الله في دور الفقادي ولا دي شفو ولا دي شي تي رونتر او فقادي يا عبد الرحمن الى دي توغا ان شيفال افيك دي زيل اون بير اي فا فولي افيك توا او كو تو فو. Et comme j'ai dit, on ne ramène pas des hadiths da'if. Non, il est bien dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib du Cheikh al-Albani. Le hadith Abdurrahman. Donc ce n'est pas des paroles, non, c'est une réalité. Le plus grand na'im et la meilleure chose dans le paradis, ce n'est pas tout ça. C'est le visage d'Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala a dit: Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال: الحسن الجنة وزيادة رؤية الله كما في مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترون الله يوم القيامة أو في الجنة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا يعني الفجر والعصر. Donc on va voir le visage d'Allah Jalla wa Ala et ce moment-là Allah Ta'ala dit: رَضِيْتُ عَلَيْهِ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا. Allah Ta'ala dit: je serai satisfait de vous, je serai jamais en colère contre vous. Et c'est ça le vrai bonheur, quand Allah Jalla wa Ala il est satisfait de toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est ça le plus grand na'im. Certes les femmes, ce qu'il y a dans le paradis, les fruits, c'est un grand na'im, c'est un grand bienfait. Voilà que le plus grand na'im, c'est le visage d'Allah Jalla wa Ala. Et quand Allah dit: je suis satisfait de toi, voilà que, comme j'ai dit, quand on parle du paradis, tout le monde est content. Voilà que, il faut bien travailler. Les hada, Ibn al-Qayyim rahimahullah qal: Ya sul'at al-Rahman lasti rakhisatan, bel anti ghaliyatun ala al-kislani. Ya sul'at al-Rahman laysa yanaluha في الألف إلا واحد لاثنان فتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. رقم القيم يدي pour celui qui veut la marchandise d'Allah Jalla wa Ala, il ne faut pas qu'il soit paresseux, au contraire il faut qu'il se prépare pour payer cette marchandise qui est très chère. La réalité, Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, waffaqallahu billahi wa ala al-jami'i, alhamdulillahi rabbil alamin.